Everybody knows that the dice are loaded, and everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Bonsoir, bienvenue dans cette émission. Cette période trouble. Foxymox est là, avec vous, sur les ondes hertziennes du 89.3 CJPM, chez Chicoutimi. Malgré cette période trouble, où je dois l'admettre, il y a une certaine censure. Mais on a réussi à être là avec vous ce soir. Donc, petit rappel des faits avant de débuter l'émission, des fois que certains ne seraient pas au courant. Le 8 janvier 2022, l'OMS a annoncé qu'un nouveau variant québécois du coronavirus, surnommé Minicron, se propageait à une vitesse fulgurante. Selon les premières études, il se propagerait plus de 100 fois plus vite qu'Omicron. Donc, à cette vitesse-là, c'est comme du speed dating de virus sur Tinder, comme si tout le monde appréciait tout le monde et que tu matchais automatique. Ça se propage à une vitesse fulgurante. Et dans un contexte d'intense mixité sociale, d'un recours limité aux mesures de santé publique et d'une couverture vaccinale restreinte à l'échelle mondiale, ces conditions ont donc permis à Minicron de se propager dans quasiment tous les pays de la planète. Il ne resterait que l'île de Tonga qui n'a pas encore été affectée, île qui est pour l'instant protégée par son volcan sous-marin qui vient d'entrer en éruption pour protéger ses habitants. Bien que Minicron ne cause plus aucune mortalité, l'OMS rappelle qu'il ne faut pas qualifier ce variant de bénin, car là, on s'aperçoit que tous les gens qui ont attrapé cette variante Minicron ont rapetissé d'environ 50% de leur taille, environ 10 jours après avoir été contaminé. Selon l'OMS, en date de mardi, la planète Terre serait maintenant peuplée d'environ 83% de personnes de taille naine ou personnes de petite taille. C'est d'ailleurs le groupe Anonymous qui a été un des premiers groupes avant l'OMS à confirmer la nouvelle sur les internets. On les écoute. Bonjour, ceci est un message d'Anonymous. Le virus Minicron qui déferle dans nos maisons, sur nos perrons et dans nos avions remplis d'influenceurs a réduit la taille de la population à un tel point que techniquement, nous pouvons maintenant confirmer que la race humaine a été remplacée par une nouvelle race dominante, les nains. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion. Nous sommes maintenant nous aussi des nains. Et au même titre que les nains de Donjons et Dragons, nous réclamons le respect. Nous sommes Anonymous, nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas, nous sommes des nains. Au moment où on se parle, sur la page de l'OMS qui a un chronomètre qui s'incrémente, on serait, selon eux, environ 6,5 milliards de nains sur Terre. Et ce ne serait qu'une question de jours avant que la race humaine ait quasiment toute muté dans sa version mini-mi. On prévoit que d'ici 2 semaines, la taille moyenne des humains aura atteint 3 pieds 5. But I don't understand just why. But I don't understand just why. Yes, growing up is a problem. Never grow up. Never grow up. Yes, growing up is a problem. Never grow up. Never grow up. Bon, ce soir, pas de censure dans l'aiguilleur de nuit, Foxymox vous promet de ne pas garder sa langue dans sa poche et n'hésitera pas à vous expliquer pourquoi toutes les voies d'entrée, terrestres, aériennes, marines, menant vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, sont présentement fermées et protégées par une milice s'auto-proclamant la milice des Pichoux. Ce soir, dans l'aiguilleur de nuit, on se questionne. Pourquoi croyez-vous qu'on empêche quiconque d'entrer ou de sortir de la région en ce moment? Pourquoi une majorité des gens de la région, environ 92%, ne subit aucun effet du variant Minicron? Pourquoi le sang des familles de souches de la région pourrait-il servir dans la concoction d'un nouveau vaccin ou d'un remède permettant de retrouver sa taille normale. Ce sont tous des sujets dont on parle ensemble au retour. Le scandale des Pichoux doit sortir de son état de rumeur latente. C'est ce soir, dans les Gailleurs de nuit, que je fais avec vous le point sur les différentes informations que j'ai pu récolter. Bon début d'émission, on part en grand. For it blows. And everybody knows. Everybody knows. Bon, désolé pour ce début d'émission qui a pu vous sembler un peu différent. Je vais prendre le temps de vous saluer comme je le fais habituellement. Je vois quand même ça à mes oiseaux de nuit. Donc, que vous soyez sur votre skidoo dans un des sentiers du Mont-Valin, dans votre pick-up en train de monter à Roberval pour rejoindre votre dulcinée, que vous soyez curé, marguillé ou simplement en déshabillé, en train de prier pour les gens du Saguenay, ou que vous soyez poussière d'étoiles, vous êtes les bienvenus dans l'aiguilleur de nuit. Donc ce soir, Bob et moi, nous avons prévu une émission très remplie, où on va essayer de faire la lumière sur ce qu'on nomme dans le milieu journalistique le scandale des Pichoux. Mais avant, un mot de nos commanditaires. À la garderie, les petits bouts de choux, on traite vos petits comme des grands. Ouverte du lundi au vendredi de 6h à 17h, la garderie Les Petits Bouts de Choux offre des activités ludiques à vos petites chenilles curieuses. En compagnie de leur éducatrice Linda, qui a déjà plus de 50 ans d'expérience et 13 enfants à son actif, dont deux qui ont terminé des études supérieures, vos enfants suivront un programme éducatif varié concocté par Sœur Marie-Berthe du diocèse de Chicoutimi. Respectant en tout point les enseignements du catéchisme de l'Église catholique, vos enfants, sous notre commandement divin, deviendront de grands bouts de choux heureux et épanouis dans leur foi chrétienne. Au programme, vos enfants de 1 à 2 ans recevront l'enseignement du « Je crois en Dieu le Père ». Les 2 à 3 ans poursuivront avec « Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu ». Et vos petites abeilles remplies d'amour de 3 ans jusqu'à leur départ pour leur séminaire termineront leur cheminement avec « Je crois en l'Esprit Saint ». La garderie Les Petits Bouts de Choux, située au sous-sol de la cathédrale de Chicoutimi, accueille tous les enfants de Dieu qui ont reçu les sacrements du baptême. Pour nous rejoindre, 418-272-1313, plusieurs places disponibles. Pour ceux qui se joignent tout juste à nous, voici le sujet de la soirée. Sans trop s'enfarger dans les ébouriflures du tapis, il semble que le variant Ménicron n'affecte pas les gens et les familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'après les premières études qui sont sorties, toutes les familles qui sont des descendants des familles souches de la région ne seraient pas affectées par le variant... par le variant Ménicron, qui, je vous le rappelle, a pour effet de réduire la taille d'environ 50%. D'après la Société historique du Saguenay, l'explication pourrait remonter aussi loin que 1676, date où il y a eu la création des deux premiers postes de traite, l'un à Chicoutimi et l'autre à Métobetchouan. Donc, sans qu'on sache exactement trop pourquoi, peut-être des questions de mixité avec les Amérindiens, peut-être des problèmes de consanguinité régionale, on ne le sait pas pour l'instant, mais les descendants de ces familles ne seraient pas affectés par le nouveau variant qui propage le nanisme. Donc, pour être précis, on parle ici des familles Tremblay, Bergeron, Laprise, Lavoie, Pelletier, Blackburn, Murdoch, Saint-Onge, Véraud, Ross, Minier et Simard. Donc, il semble qu'être descendant d'une de ces 12 familles souches conférerait une immunité à Ménicron. Bon, avant d'entrer dans nos sujets croustillants et dans toutes les informations que j'ai pu réunir, faisons quand même un petit tour des nouvelles, car la planète nain tourne et il se passe des choses qui méritent qu'on en parle. Première nouvelle qu'on a pu lire dans le quotidien de Chicoutimi cette semaine. Un homme qui s'était commandé une TV de 42 pouces a eu la surprise de sa vie. Voici le texte. Excité, Hugo Tremblay croyait avoir trouvé l'aubaine de sa vie. Dans les petites annonces du quotidien pour le Black Friday, il était tombé sur l'annonce « TV 42 pouces pour 75 $ ». Après avoir répondu par courriel à l'annonce et fourni son adresse pour la livraison, quelle ne fut pas sa surprise le lendemain, alors convenu pour la livraison d'ouvrir la porte de sa maison. S'attendant à recevoir une télé 42 pouces, c'est plutôt un travesti de 42 pouces de haut qu'il a trouvé devant lui. Et oui, l'annonce pour une TV 42 pouces à 75 $ n'était pas pour une télé, mais pour les services de Raoul, un travesti nain de 42 pouces de long. Et d'après la photo dans l'article, on peut voir que Raoul, malgré un effort marqué pour un habillement sexy et affriolant pour les services offerts, avait en prime les jambes bien charnues et poilues. La suite de l'article dit aussi que la situation a mené à un léger quiproquo. Raoul, avant d'être chassé par Hugo Tremblay, aurait demandé à être payé, affirmant n'avoir jamais prétendu être une télévision. Et tant qu'à s'être déplacé, il était prêt à offrir pour 75$ de service. Bon, on ne précise pas dans l'article le genre de service, mais Raoul aurait de son côté confié au quotidien avoir été chassé à coups de balai sans avoir reçu ses 75$ et qu'il songeait ardemment à poursuivre Hugo Tremblay pour discrimination. Donc vous voyez déjà, le virus Minicron commence à créer toutes sortes de situations bizarres et inattendues. Ok. Petite pause musicale, et au retour, on parle des Jeux olympiques d'hiver 2022 qui, je vous le rappelle, ont lieu à Pékin cette année. Et avec les athlètes qui sont déjà sur place, c'est tout le monde de l'Olympisme qui est chamboulé par la vague de nanisme. On en parle au retour. Because the Night, oui, il y a une chanson qui convient bien à notre émission de nuit, ou de minuit 1 à 6h AM sur les ondes du 89.3 CJPM. Foxy Mox est avec vous et discute et prend vos appels. Merci à Bob à la régie, à qui j'ai confié ce soir le choix de la musique. Il me dit qu'il a décidé de vous faire bouger pour vous garder éveillé, car ce soir, on a des discussions importantes. Bon. Fun fact, saviez-vous qui est la mascotte des Jeux olympiques de Pékin? Au départ, ça devait être Bing Dun Dun, un joli petit panda violet qui devait aussi être accompagné par Chui Run Run, une lanterne chinoise, qui elle avait la tâche de représenter les Jeux paralympiques. Mais bon, avec la majorité des athlètes, qui ont la taille d'un farfadet, ils ont dû changer la mascotte pour être plus représentatif. On dit que c'est maintenant Mini-Moi, du célèbre film Austin Powers, qui a été appelé en renfort. Bien sûr, comme il est décédé, c'est une représentation virtuelle de Verne J. Trower dans son costume de Minimi qui serait visible un peu partout sur le site des Jeux olympiques et qui souhaitera, dit-on, virtuellement la bienvenue à chaque athlète à son arrivée à Pékin. D'ailleurs, rappelons-nous, en son hommage, quelques instants, l'hommage que lui avait rendu Mike Myers avant sa mort. Tu sais, s'il t'arrivait malheur, je ne sais pas ce que je ferais. Il est probable qu'avec le temps, je finirais par te remplacer, mais pendant 10 minutes, je pense que je serais vraiment inconsolable. Bon, maintenant, des nouvelles d'importance liées aux Jeux olympiques de Pékin. Le CIO, Comité international olympique, ont annoncé qu'il n'y aurait plus de Jeux para-olympiques. Non, tout le monde va maintenant participer ensemble, car du sport de nain, on doit se le dire, c'est pas mal du para-olympique. Donc, le CIO ne voyait pas le besoin de faire une catégorie spéciale. Un bras, deux bras, une jambe, deux jambes, pas de jambes, aveugle, albinos, name it, on ne fait plus de différence, tout le monde compétitionne ensemble. Et, à mon avis, c'est une orientation que je trouve très prometteuse. Fini ce temps où il y avait une certaine forme de ségrégation parce qu'il te manquait un membre ou que tu étais exclu de la compétition car tu voulais participer de ton quadriporteur. Maintenant, toutes les catégories sont ouvertes aux nains de toute taille et de tous handicaps. C'est ça, les Jeux olympiques modernes. Je crois que le baron Pierre de Coubertin serait fier de nous. Aussi, autre changement, que tu sois homme, femme ou yel, finis de concourir dans une catégorie différente. Maintenant, avec des cohortes d'athlètes nains, le comité olympique dit que c'est trop compliqué de distinguer qui est-ce qui est un il, un elle, un yel. Bref, on a donc aussi laissé tomber les catégories basées sur le genre. C'est maintenant tout le monde dans la même catégorie. D'ailleurs, reste sujet, chaque athlète recevra dans sa trousse d'athlète un macaron sur lequel est inscrit hashtag je suis nain. Une petite attention qui permettra à tous les athlètes nains de se sentir respectés pour ce qu'ils sont. Aussi, petit détail amusant, on a appris que Trojan, qui fournit les condoms qui sont insérés dans les trousses d'athlètes, ont fait savoir qu'un nouveau modèle Minimi a été développé spécialement pour les athlètes. On comprendra ici que ce nouveau modèle s'adapte à cette nouvelle réalité des dimensions, de la taille, des engins nefs. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Autre détail important pour ces Jeux de Pékin, ça devait être des Jeux d'hiver. Mais bon, vous vous en doutez, un nain dans la neige, c'est pas du tout mobile. Il suffit de quelques pouces de neige pour les bloquer. Alors, on nous indique que le comité olympique a accepté de remplacer beaucoup d'épreuves par des épreuves intérieures. Donc, on ne parle plus des Jeux d'hiver de Pékin, mais tout simplement des 24e Jeux olympiques de nains de Pékin. On écoute d'ailleurs un extrait de la version anglaise de la chanson de ces 24e Jeux olympiques de nains de Pékin. Début de semaine, j'ai écouté la cérémonie d'ouverture qui, c'était une promesse de la Chine, nous a offert un spectacle d'ouverture grandiose. La Chine avait mis le paquet pour le spectacle d'ouverture. Des effets pyrotechniques, stroboscopiques, des danses synchronisées de centaines de danseurs nains chinois dans des habits traditionnels ont offert un spectacle apprécié de tous et grandiose. On peut d'ailleurs revoir le tout sur YouTube. Si on prend quelques minutes, je peux vous décrire un petit bout où les athlètes entrent dans le stade. On voit tout d'abord la délégation de l'Australie qui est la première à faire son entrée sur le terrain central du stade national de Pékin où auront lieu les épreuves de lancer du nain ainsi que les épreuves d'athlétisme. On voit donc la délégation d'athlètes nains d'Australie, la porte-drapeau à l'avant conduisant un petit quadriporteur électrique de marque Yamaha qui lui permet, malgré ses jambes atrophiées, de suivre le reste de la délégation qui affiche fièrement, je dois le dire, ses couleurs vertes et jaunes. Ils sont ensuite suivis de la délégation autrichienne. Il n'y a qu'une seule personne qui marche pour cette délégation, ce qui peut paraître étrange. Mais on se rappellera, c'était dans les nouvelles, les modèles d'avions autrichiens de la compagnie Austrian Airlines sont majoritairement de vieux Boeing 717 qui ont la particularité d'avoir des bancs pour s'asseoir qui sont à deux pieds du sol plutôt qu'un pied et demi dans les modèles plus récents de 747. Et il y aurait eu tellement d'accidents au moment où la délégation d'athlètes voulait prendre place dans leur siège que le voyage a tout simplement été annulé. On a d'ailleurs appris via les médias autrichiens que c'est qu'en essayant de monter dans leur siège que plusieurs athlètes seraient retombés au sol après avoir tenté d'escalader leur banc. D'autres qui essayaient de s'entraider se seraient lourdement blessés aux poignets et aux avant-bras. En, ont-ils dit, tentant de pousser le gros cul de la championne de natation pour qu'elle monte dans son siège. Bref, voyant ça, le capitaine Georges Boustakis, un nain qui ressemble un peu à Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, qui est pas très souriant et très directif, aurait décidé d'annuler le vol et de faire évacuer l'avion. C'est ce qui explique qu'il n'y a qu'une seule personne pour l'Autriche. Une naine de 3 pieds 4 qui était déjà en visite à Pékin comme touriste et qui a accepté de représenter seul son pays en bobsleigh. La parade de nains déambulant dans la stade se poursuit donc. Arrive la délégation finlandaise qui passe rapidement, suivie par une grosse délégation de la France qui balance fièrement son drapeau bleu-blanc-rouge et qui semble avoir beaucoup de supporters dans la foule. Voilà, c'est pas mal ça. Ça se poursuit pendant un bon 30 minutes où c'est pas mal du pareil au même, où on voit des nains avec leur démarche particulière qui paradent joyeusement en agitant leurs petits bras dans les airs. Pour ceux qui se demandent où est la délégation canadienne, eh bien, selon les organisateurs chinois, ils auraient tous testé positif à un nouveau virus et seraient tous en quarantaine pour l'instant. Maintenant, un petit mot sur les nouvelles épreuves que vous pourrez voir lors de ces 24e Jeux olympiques. Il y a bien sûr le célèbre lancer du nain que j'ai déjà mentionné qui remplace le lancer du poids. En athlétisme, le lancer du javelot est remplacé par le lancer du manche. Pour vous aider à visualiser, c'est un manche de marteau en bois d'érable de 9 pouces de long qui doit être projeté le plus loin possible. Le curling est remplacé par le curl nain. Ici, une équipe de 5 nains doit projeter l'un des leurs sur la glace pour se rapprocher le plus proche d'un rond rouge. Et ici, le Canada est l'un des favoris dans cette épreuve, notre équipe de curl nain ayant la particularité de projeter son nain tête première plutôt que cul devant, comme le font les autres équipes, ce qui, m'a-t-on dit, serait plus aérodynamique et précis. Ensuite, le bobsleigh ne change pas. Seul le nombre de participants à l'épreuve est maintenant passé à 8 nains par bobsleigh, 8 étant le nombre approximatif nécessaire pour arriver à pousser le bobsleigh jusqu'au début de la pente. Et pour la touriste autrichienne qui est inscrite seule à cette épreuve, le comité olympique a statué que son époux et ses 6 enfants pourraient l'aider à mettre le bob en mouvement. Bon, le patinage artistique, lui, conserve aussi sensiblement les mêmes règles. Seul ajout, on demande aux participants d'être habillés en rouge, vert et jaune et de porter un nez de clown, le CIO souhaitant ainsi élever le niveau de divertissement. L'épreuve du combiné nordique, qui regrouperait le saut à ski et le ski de fond, se pratiquera à l'intérieur, où on demandera dans un premier temps aux athlètes nains de traverser une piscine remplie de balles en styromousse pour ensuite traverser un deuxième parcours en équilibre au-dessus d'une piscine remplie de slim où les spectateurs pourront leur lancer des ballons de tout genre, soccer, basketball ou volleyball. Le ski de fond est pour sa part remplacé par une grande marche intérieure de 5 km. L'objectif étant simplement de compléter la boucle de 5 km, ce qui n'est pas une mince tâche quand tes jambes ne font que 16 pouces. Le snowboard est l'une des épreuves qui se déroulera toujours à l'extérieur, mais l'épreuve portera désormais le nom de la joyeuse glissade des nains. Les athlètes auront à descendre une pente de 35% de dénivelé sur 1 km dans un traîneau où les freins auront été retirés. Je note aussi que la pente sera parsemée de bosses artificielles, d'arbres et de crevasses, toujours dans l'optique, poursuivie par le CIO, de rendre le spectacle télévisuel grandiose. S'ajoute à ça une épreuve de boxe où les athlètes nains auront à revêtir un costume de mascotte avant de se taper dessus à l'aide de petits bâtons. Il y a aussi une épreuve d'équitation sur poney qui est au programme et finalement une épreuve de natation où on demande simplement aux athlètes de franchir 500 mètres à la nage, le record pour l'instant avant de couler étant de 378 mètres en qualification, détenu par Ivar Grousteil de l'Allemagne, qui malheureusement ne se représentera pas, car selon les organisateurs des qualifications, il aura fallu plus de 8 minutes pour sortir Ivar de la piscine olympique après un bris mécanique de la grue à nain. Donc, rest in peace, Ivar. Voilà, ça fait le tour des épreuves. Là-dessus, on part en musique. Vous êtes toujours avec nous dans l'aiguilleur de nuit sur les ondes du 89.3 CGPM. De retour dans l'écumeur de nuit. Et avant que je demande à Bob d'ouvrir les lignes pour prendre vos appels, parlons un peu de Denis Lévesque, qui en semaine reçoit sur les ondes LCN la lie de la société. J'ai vu qu'à son émission de mercredi soir, il parlait du problème des arbres de Noël. Il recevait un couple de nains de Montebello, Robin et Stella, qui n'arrivaient pas à défaire leur arbre de Noël. En gros, pour vous résumer l'émission, après avoir retiré toutes les boules de Noël à leur hauteur, c'est-à-dire jusqu'à environ 4 pieds, avec les bras étirés, eh bien, Stella expliquait à Denis que c'est environ le 2/3 des boules attachées à l'arbre qui sont maintenant à une hauteur inaccessible, ce qui rend impossible de défaire l'arbre pour le ranger. On a aussi appris durant l'émission que c'est cette problématique des arbres qui serait à l'origine de la démission du Dr Horacio Arruda à son poste de nain directeur national de santé publique de la province. Dans sa lettre de démission, le bon docteur indiquait « Les propos récents tenus sur ma crédibilité et ma rigueur scientifique ne sont pas la cause de ma démission. Non, la raison est que j'ai pas fait des études universitaires pour écrire des avis de santé publique pour les idiots qui se blessent avec des boules de Noël en vitre qu'ils ont cassées ou qui se blessent en escaladant leur arbre de Noël pour retirer l'étoile au sommet. Je suis découragé de voir nos hôpitaux débordés à cause d'une pandémie de déphasage d'arbres de Noël. Désolé, c'est trop pour moi. J'en ai plus rien à foutre de la courbe. Vous pouvez l'aplatir sans moi. » Dans un tel contexte, il a donc offert la possibilité à notre nain premier ministre François Legault de le remplacer avant l'échéance du terme de son mandat, ce que le premier ministre aurait accepté en disant « Ho, ho, ho ». Son remplaçant, le docteur Luc Boileau, en a profité pour nous faire ce petit rappel. On se rappellera que le variant Omicron a frappé la planète début janvier. Donc, les arbres de Noël avaient été faits en décembre par des personnes de taille normale. Et donc, maintenant, selon la firme Léger et Léger, qui a fait un sondage là-dessus, c'est 80% des couples de nains québécois qui n'auraient pas réussi à défaire leur arbre de Noël et qui sont pognés avec ça dans le salon. Donc, il y a aussi le premier ministre Legault, qui était invité à l'émission Tout le monde en parle, qui s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet. À la question de Guillaume Lepage qui lui demandait « Que va faire le gouvernement pour aider les gens à se débarrasser de leur arbre de Noël? Avez-vous songé à faire appel du fédéral pour appeler l'armée en renfort? » Eh bien, François Legault a répondu « Nous allons faire tout notre possible pour vous aider. Mon ministre des Finances est à regarder à une aide spéciale qui pourrait être octroyée à chaque famille pour s'acheter une échelle. Mais vous le savez, la pandémie frappe dans tous les secteurs et la pénurie d'échelles va prendre un certain temps avant de se résorber. Donc, je vous l'annonce à primeur ce soir, mon gouvernement va devoir imposer un couvre-lumière à partir de 21h tous les soirs sur l'allumage de tous les lumières ornant vos arbres de Noël et ce, jusqu'à nouvel ordre. Des amendes salées, pas des pinottes, mais des amendes monétaires sévères pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement vont s'appliquer pour tous ceux qui refuseront de se conformer et qui allumeront encore leurs hosties de lumière de Noël en janvier. Voilà, et immédiatement après la projection de l'entrevue, l'Association des mini-potes et rigolfeurs du Québec ont demandé une exemption pour les lumières ornant leur parcours de golf en soirée. Exemption que la santé publique a promis d'étudier dans les prochains jours. Voilà! OK, c'est maintenant le temps d'ouvrir les lignes. Bob, ouvre-nous ça. Je veux vous entendre sur comment vous vivez tout ça. Je m'adresse principalement ici à ceux qui ne seraient pas des descendants des familles souches. Comment vous vivez votre nanisme soudain? Et pour les autres, ceux qui sont toujours de taille normale du Saguenay, vous pouvez aussi nous appeler pour nous dire comment vous allez. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà planifié des vacances pour l'été prochain dans d'autres régions remplies de nains? Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que ça vous excite d'aller les visiter? On prend un premier appel après ce message d'un commanditaire. Hey baby, are you available for some hot chat? Les savants du Marais d'Éden sont heureux de vous annoncer la réouverture de leur kiosque pop-up à la place du Royaume et au Maya Arvida. But it doesn't make any sense. Les savants du Marais d'Éden, gages de qualité, sont préparés avec le meilleur de ce que la nature a à offrir. Préparés dans la plus pure tradition amérindienne, les savons du Marais d'Éden incorporent uniquement du gras de cochon de Charlevoix, de la vieille huile à cuisson de la belle province et d'un peu de lessive moussante dans sa composition. But it doesn't make any sense. Grâce à une saponification prolongée et contrôlée par un chaman amérindien savoniste, But it doesn't make any sense. Nous sommes en mesure de vous offrir les meilleurs savons sur le marché. Offert dans son format original pré-pandémie de pain de savon de 250 grammes, les Marais d'Éden sont heureux de vous annoncer la mise en marché d'un format mieux adapté à la réalité des gens de petite taille. But it doesn't make any sense. D'un format de 125 grammes, plus compact et plus dense, nos experts savonniers ont développé une nouvelle forme de pain adaptée aux petites mains de nain maladroit. Plus long, avec des bandes rugueuses sur les côtés, les nouveaux pains de savon du Marais d'Éden. But it doesn't make any sense. Vous offriront le confort d'avant, en plus de vous permettre de savonner toutes ces portions de votre corps que vous n'arrivez plus à atteindre. But it doesn't make any sense. Les savons du Marais d'Éden, la garantie d'une propreté de votre intimité. But it doesn't make any sense. Bon, de retour dans l'écumeur de nuit, un premier appel. L'aiguilleur de nuit, on vous écoute. Allô, monsieur le Foxy Mox, moi c'est Adrien, le fortuné de le lac Bouchette. J'ai été frappé par le Minicron il y a environ 10 jours et ma vie est calvaire depuis ce moment. Ah oui, on vous écoute. Partagez avec nous comment ça vous affecte dans votre quotidien. Et tout est dans tout. Je n'arrive plus le soir à climber mon lit. On a un gros lit queen avec une base. Déjà avant, j'étais pas grand. Je mesurais le 5 pieds 2. Mais là, à le 2 pieds 5 de grandeur, juste monter dans mon lit le soir ou embarquer dans le bain est une expédition. Les premiers soirs, je me couchais au sol et ma femme me montait sur le dos pour ensuite se tirer dans le lit pour me lancer cordon de robe de chambre. C'est rendu l'enfer. Pour le baignoire, on oublie ça, ce sent le cochon dans la maison. Je me suis pas lavé depuis le trop longtemps. La première journée où ma femme a réussi à embarquer de peine et de misère dans la baignoire, ça m'a pris tout day avant de réussir à la sortir de là. Avec les côtés glissants et la peau qui pend sous ses bras, c'était impossible pour me de l'aider. On a beau avoir rénové avec le bain magique, présentement il n'y a pas de magie dans le sol de bain. Même les pompiers avec le red camion qui ont été appelés comme le renfort ne pouvaient rien faire. Et là, ils disent qu'ils ne se déplacent plus pour des cas bain dans le nain. Des nains dans le bain. Non, ils sont trop occupés comme premiers répondants pour tous les cas de blessures liés au bal de Christmas. Oui, je comprends, mon petit monsieur. Ça doit pas être facile. Le crème glacée, monsieur Lemox, j'ai le ice cream quatico pistache dans le tiroir du haut de mon congélateur. Mais je suis dans l'impossible de l'atteindre. Le tiroir est trop haut. Et impossible pour moi de savoir quand le ice cream il va passer d'âge. Je suis full inquiet, c'est l'enfer. Moi, je vous le dis à Monsieur le Foxymox et à tous vos émissionnaires qui vous suivent. Aux prochaines élections, le logo aura pas mon vote et celui de ma lady. Le logo, il fait rien, il n'y a plus aucune échelle qui sont en vente chez le Podvin Bouchard. Même les tabourets avec des barreaux, ils sont back-order. Qu'est-ce qu'ils font, nous, Ebenis? On est entouré de forêts, entouré de bois et de wood, puis de compagnie de la forestière. Quand est-ce que le gouvernement va se lever de son gros cul et se décider à offrir des primes pour nos petits anges d'Ebenis qui essaient de construire... Les échelles de bois que les nains ont le besoin. On n'arrête pas de dire qu'ils sont débordés, qu'il y a des pénuries de bois en bois frais, qu'il manque toujours un girage sur chaque chiffre de travail. Qu'est-ce qu'il fait le logo pour aider son petit club? J'aimerais bien le savoir. Merci, Monsieur le Mox. Merci de votre appel, Adrien. Je sais que c'est pas facile, mais comme vous avez la chance d'habiter dans la seule région qui est moindrement touchée par Minicron, essayez de voir avec un voisin qui est encore grand, voir s'il pourrait pas vous aider pour le moment. OK, on prend un autre appel. Foxymox vous écoute. La ligne est à vous. Allô? Je vous écoute. C'est Augustin, la voix de Sagor. Oui, vous êtes en onde. C'est nous qui vous écoute, Augustin. Comment la pandémie vous affecte? OK. Ben moi, ça va bien, puis j'appelle pour savoir si vous savez si le truck des vidanges va passer ce lundi à Sagor. Je suis sûr de l'horaire. Avec l'horaire alterné entre les vidanges, le bac bleu puis le brun pour le compost, je suis tout mélangé. Bon, merci Augustin. On vous laisse aller. C'est pas ça le sujet de nos conversations ce soir. Ce soir, ce qu'on voulait savoir, c'est comment Minicron vous affecte. On va prendre une pause et au retour, on se pose la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui arrive aux nains pré-pandémie qui attrapent Minicron? Est-ce qu'ils coupent de moitié aussi? J'ai fait mes recherches, on en parle au retour. Pour l'instant, un peu de vanilla, un peu de musique pour donner l'espoir. Espoir à tous ceux qui ont attrapé Minicron et vu leurs jambes fusionner avec leurs torses et qui avaient l'habitude de courir, de danser, de sauter. Celle-là est pour vous. de retour dans l'aiguilleur de nuit sur les ondes du 89.3 CGPM. Avant la pause musicale, on se demandait ce qui arrivait au nez frappé par Minicron. Eh bien, on ne le savait pas jusqu'à tout récemment. Comme par miracle, tous les nains pré-pandémiques répertoriés dans le grand livre Disney des nains avaient disparu. Mais on a mis le reporter de l'émission là-dessus. Il y a Louis de Gonzague qui est sur le coup depuis quelques jours et on va l'entendre. Bob, tu peux préparer son reportage car on l'a reçu. Oui, on a reçu son reportage juste avant l'émission. Un reportage complet de Louis de Gonzague qui fait le point pour nous. On l'écoute. Oui, bonsoir aux oiseaux de nuit. Ici Louis de Gonzague qui vous parle de Pyongyang en Corée du Nord. Plus précisément, je me trouve dans un train surnommé le Transpersonnel, qui serait, dit-on, piloté par Kim Jong-un lui-même. Mais laissez-moi partir du début. En effet, au départ, quand je suis parti à la recherche des nains pré-pandémiques, il semblait impossible de retracer aucun des nains. Toutes les pistes partant des différents cirques, foires agricoles, beauses carnavals, marchés aux puces et autres hauts lieux de la culture naine que j'avais visités semblaient s'être vidés de leur populace sans laisser de traces. Mais en début de semaine, un mystérieux message laissé sur mon Padgett m'a permis de retracer Petit Jean dans un VR stationné chez le géant motorisé de Saint-Ambroise. Petit Jean, dernier nain pré-pandémique encore au Québec, m'a dit être atteint de paludisme et d'une quarantaine d'autres maladies incurables. À l'article de la mort, il avait accepté de me parler et de me livrer le secret de son peuple pour que je puisse le documenter. C'est donc grâce à Petit Jean qu'en ce moment, j'ai pu apprendre que son peuple s'était exilé vers la Corée du Nord où, m'avait-on dit, une terre d'accueil exempte de virus les attendait. Donc, je peux maintenant vous le confirmer, après plusieurs jours de recherche, au péril de ma vie, je suis présentement, au moment où vous écoutez ce reportage, à bord d'un convoi de milliers de wagons qui ne s'arrêtent jamais et dans lequel auraient pris place tous les nains pré-pandémiques. Entré astucieusement dans le wagon de queue, grâce à mes compétences d'acrobate et de judoka ceinture verte, je fais lentement mon chemin vers la tête du train où je l'espère je pourrai obtenir une entrevue avec Kim Jong-un pour connaître ses intentions. Mais avant, je prends le temps de vous décrire l'ambiance qui règne ici dans l'un des wagons de queue. Les nains que j'ai déjà interviewés ont faim. Ils ont froid et il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils ne m'arrachent mes beaux souliers de cuir achetés chez Aldo. Malgré que j'ai pu me débarrasser de plusieurs grâce à des projections, étranglements et autres techniques judoesques dont seul moi, Louis de Gonzague, a le secret, je n'ai pu les empêcher de jeter mes beaux souliers en cuir souple dans une marmite bouillonnant d'un liquide peu ragoûtant qu'ils ont ensuite distribué à coups de louche parmi les occupants du wagon. Après m'avoir remercié à leur façon en crachant respectueusement sur mes bas de laine, c'est Gaëlia, une naine pré-pandémique de 48 ans, que les kidames du wagon surnomment familièrement la belle bouillasse à graisse, qui a accepté de répondre à mes questions, après bien sûr m'avoir offert, comme elle le fait avec chaque homme ici, de l'épouser et de l'aider, m'avait-elle dit, par ma grandeur et ma semence à rebâtir un nouveau monde, un monde plus grand. Bon. Je vous rassure, cette invitation, je l'ai habilement refusée. Ma virginité de journaliste et personnelle n'étant pas un sujet que je désire aborder avec vous sur les ondes, je veux simplement vous rassurer et que Dieu m'en préserve. Pour l'instant, je reste propre, je reste nette. Donc Gaëlia, cette grognasse sympathique, m'a confirmé qu'ils sont des milliers à s'être embarqués à bord du Transpersonnel. Ce train qui n'arrête jamais, ce train qui, me dit-on, est le dernier abri des nains pré-pandémiques. Un train exempt de virus où les nains peuvent vivre entre eux sans crainte de se transformer en farfadets toujours plus petits. À bord du train, une certaine hiérarchie existerait. Présentement, dans le wagon de queue où je me trouve, seraient réunis les nains de cirque, les saltimbanques, les comiques et autres nains qui occupaient des postes au sein du milieu culturel. Étant donné diverses contraintes, on m'explique que le gruau aux patates dont ils raffolent ne leur serait servi que partieusement et seulement qu'une journée sur deux. J'ai donc pris sur moi d'avancer et d'aller voir plus loin, vers les wagons du milieu, pour comprendre ce qui se passe. Je marche d'ailleurs depuis plusieurs minutes et suis maintenant devant, oui, une porte rouge, c'est bien ça? Gaëlia me l'avait confirmé, une porte rouge indiquant que je suis maintenant rendu à la moitié du train. Bien sûr, une milice de 7 nains commandée par une certaine Blanche-Neige ont tenté de me bloquer l'accès. L'une de mes mains tenant le micro Audio Technica que j'utilise pour vous parler, c'est donc à l'aide de mon unique main libre que j'ai pu les repousser et avancer. Ceci, je dois vous l'avouer, n'étant pas trop dur à renverser. Telles des tortues, je les vois encore derrière moi, bloquées sur le dos, incapables de se relever. J'entre donc dans ce wagon qu'on me dit être le wagon de milieu. Bon, à première vue, et ici je vous précise que moi, Louis de Gonzague, fait présentement de l'ironie, car je ne vois à peu près rien à cause de la fumée qui emplit ce wagon. Donc, à première vue, malgré la fumée, oui, c'est bien ça, je les reconnais, je vous le confirme, ce sont des nains influenceurs qui, malgré les diverses restrictions qu'on m'avait dit exister à bord du train, fument, vapotent sans vergogne, boivent du champagne et dansent dans les allées, rendant tout déplacement plus avant périlleux. Donc, laissez-moi avancer plus avant pendant que ces ostrogoths continuent à faire la fête. Ici Louis de Gonzague, alors que je suis devant une porte verte, porte, me dit-on, serait la dernière porte à franchir pour atteindre la voiture de tête. Mais avant, laissez-moi vous parler de l'horreur. Ayant traversé je ne sais plus combien de wagons pour me rendre en tête de locomotive, j'ai vu des choses qui, je l'espère, ne me laisseront pas de traumatisme trop sévère. Dans un des wagons, j'ai vu un groupe de nains s'amusant dans un spa. Dans un autre, mes yeux ont croisé ceux d'un nain cuistot préparant du tartare de bœuf alors qu'il n'était vêtu que d'une salopette. Un autre, les mains dans un pot rempli de terre, semblait vouloir raboter un plant de bégonia au moment où je l'ai croisé. Bref, oublions ces horreurs et laissez-moi ouvrir la porte pour voir ce qu'il se cache derrière celle-ci. Oui, d'après ce que je vois, j'ai bien réussi ma mission, qui était d'atteindre la tête du train. Et il y a Kim Jong-un qui danse et un chanteur. Oui, je le reconnais, le chanteur psy. Que faut-il? Quelles sont leurs motivations? Pourquoi le transpercer? Je crois que vous n'aurez pas la réponse cette nuit, car on m'invite à danser. Et moi, Louis de Gonzague, fier membre des Beat Bang, troupe de danse contemporaine mixopop, où l'on me surnomme le Drunken Tiger quand je danse, vais devoir arrêter l'enregistrement de ce reportage, car oui, oui, je sens l'appel de la danse, le poil sur mes avant-bras s'irrisse, mon sang s'échauffe, le Drunken Tiger doit entrer en action. C'était Louis de Gonzague à bord du Transpersonnel. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 뛰는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빠 강남 스타일. Gangnam Style. Bon, c'est déjà la fin de l'émission qui se pointe. Et malheureusement, il y aurait encore beaucoup de questions à laquelle j'aurais voulu répondre. Il faudra donc nous synchroniser demain soir sur les ondes du 89.3 CJPM pour en savoir plus. Mais en vrac, avant de vous laisser, ce que Foxy Mox a pu apprendre, c'est que le sang des familles souches du Saguenay permettrait de créer un vaccin et un sérum qui permet de guérir la pandémie au virus Minicron. C'est donc pourquoi une milice, surnommée la milice des Pichoux, contrôle présentement toutes les entrées vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour nous permettre de décider entre nous, entre grands, comment nous allons gérer tout ça. Voilà, sur ce, merci aux oiseaux de nuit qui nous ont encore syntonisé cette nuit. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de nuit et un bon début de journée. Everybody knows that's how it goes.